Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive, l'émission qui tend le micro aux voix du territoire. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée qui a choisi de mettre les mots sur son quotidien. Celui d'une maman dont le petit garçon est porteur d'autisme. Il s'agit de Laurine Nouhon qui vient de publier un livre qui raconte avec justesse et émotion cette aventure de vie faite de défis, d'amour, de résilience et de combat pour l'inclusion. Un témoignage fort qui invite à mieux comprendre l'autisme, à déconstruire les préjugés et à ouvrir le dialogue. Laurine est donc avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons également autour de cette table Lisa qui est actuellement en stage avec nous et que nous avons invité à participer à cette émission. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors Laurine, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? J'ai eu envie d'écrire ce livre pour pouvoir lever un peu les stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à l'autisme. Et j'avais envie de laisser une trace de mon histoire et celle de mon fils, de notre histoire, et de pouvoir donner une vision positive et résiliente de l'autisme et du quotidien de maman solo, du quotidien de maman solo d'un enfant avec autisme. Et puis, je vous laisserai découvrir le fait que j'ai découvert pas mal de choses sur moi et sur ma particularité également. La première fois qu'on s'est rencontrés, hors antenne, vous m'avez parlé de ce livre et vous m'avez dit « cette démarche, elle est vraiment pas du tout pécuniaire ». C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire de l'argent sur ce livre. L'idée, c'est de transmettre mon témoignage. On va pas se cacher, hein, j'ai imprimé un certain nombre d'exemplaires et puis le but, c'est surtout de partager. Après, bien sûr, on est comme tout le monde, mais le but, c'est pas forcément de faire des milliers et des cents de ce livre, c'est surtout de partager. Ouais, il m'avait semblé que c'était important pour vous de pouvoir le dire. Quand on parle d'autisme, alors, si on reste dans les préjugés des années 80 devant Reinemann, d'un individu qui a finalement une grande intelligence, qui a du mal à extérioriser, enfin, qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Tout le monde ne sait pas ce que c'est et il y a différents stades, différents degrés. Alors, l'autisme vu selon Reinemann, c'est très très rare. C'est même donner un grand stéréotype à l'autisme, et à l'autisme de haut niveau, puisqu'il y a très peu de personnes avec autisme qui sont comme Reinemann. L'autisme, en fait, effectivement, il y a plusieurs degrés, mais c'est tout un spectre. Et il y a des personnes autistes qui parlent, d'autres qui ne parlent quasiment pas, d'autres qui ne parleront jamais. Il y a des personnes autistes avec une grande intelligence, d'autres qui ont plus de difficultés. Mais on a tous une forme d'intelligence différente, c'est juste que ça ne se traduit pas forcément par les tests QI. Et puis l'autisme se manifeste de différentes façons, selon les personnes, selon les sexes aussi, puisque chez l'homme et chez la femme, ça ne se traduit pas de la même façon. Donc il y a beaucoup plus de petits garçons ou d'hommes qui sont diagnostiqués plutôt que des femmes. Ce qui fait que les femmes se suradaptent et sont diagnostiquées plus tard. Après, tout dépend de la personne, j'ai envie de dire. Il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes, en fait. C'est pour ça aussi que c'est souvent une image très stéréotypée qu'on peut avoir à la télé sur l'autisme avec l'enfant qui se balance ou la personne hyper intelligente, etc. Oui, c'est ça. Oui, c'est une représentation et l'autisme est représenté de plus en plus à travers les séries et autres, mais c'est pas ce qui définit forcément l'autisme, c'est une partie de l'autisme, une façon d'être. Et Marvin, lui, pour son cas particulier, c'est un autisme qui se traduit comment ? Il ne parle pas beaucoup, mais il parle de plus en plus. Donc, il n'est pas non-verbal, mais il n'est pas verbal non plus, entre les deux. Il aime bien ne pas être dans les cases complètes. C'est beaucoup de particularités sensorielles, des difficultés dans les relations humaines, dans les relations sociales. Pour autant, il est... Avec les étrangers ou avec vous aussi, en tant que sa maman ? Ah non, avec moi, pas de souci, ouais. On se comprend. Mais oui, c'est une difficulté à jouer avec les autres camarades, même s'ils jouent de plus en plus avec eux. C'est dans les interactions, dans la compréhension des choses. Et puis, scolairement parlant aussi, il y a des apprentissages pour lesquels c'est plus compliqué. Mais pour autant, il avance petit à petit et il commence à faire de plus en plus de choses, comme tous les enfants de son âge. Et il a aujourd'hui 8 ans. 8 ans. Le diagnostic, il est tombé à quel moment ? Parce qu'il y a quelque chose de frappant dans votre livre. C'est qu'il y a un moment où vous dites, c'est comme si je l'avais toujours su, je le savais, je le sentais. Oui, déjà j'ai toujours su que c'était un petit garçon dans mon ventre, donc du coup c'est ce qui est assez fou dans l'instinct maternel. Mais oui, j'ai toujours un peu su qu'il y avait quelque chose, mais après je me cachais derrière d'autres événements. Après, pour la réponse, c'était le 23 janvier 2020 exactement. On m'a posé des mots juste avant le confinement, pas loin avant le confinement. J'ai eu les premiers mots le 23 janvier et puis quelques jours avant le 17 mars 2020. Et après, tous les bilans se sont faits à distance pendant le confinement. Et ça ne l'a pas empêché de rentrer en unité d'enseignement maternel pour enfants autistes en septembre 2020. Ouais, mais ça veut dire aussi que vous avez accusé le coup toute seule. C'est ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on est parent, on accuse le coup tout seul aussi. Parce qu'on est seul responsable de son enfant. Et du coup, on doit prendre les décisions seule. Même si j'étais bien entourée à l'époque, les décisions, il fallait que je les prenne toute seule. Donc, autant vous dire que j'ai pas attendu. Le 23 janvier 2020, après-midi, à 14h, je terminais à midi le rendez-vous, à 14h, j'ai appelé le centre de ressources de l'autisme pour commencer les bilans. C'est quelque chose que vous aviez déjà côtoyé, l'autisme, ou c'était vraiment une nouveauté dans votre vie, quelque chose qui, il y avait tout à découvrir? Non, j'ai découvert tout un monde. Ouais. Mais après, ça a permis de creuser pas mal d'autres choses, mais je ne vais pas spoiler tout le livre, parce que sinon après ça serait compliqué. mais clairement, c'était une découverte d'un autre monde, et en même temps, c'était assez étrange, parce qu'en fait, c'était comme si je découvrais un monde, et en même temps que je confortais quelque chose que je connaissais déjà. Alors, si on ne veut pas spoiler, c'est difficile. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser beaucoup d'autres questions, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette dernière affirmation. C'est-à-dire que vous vous sentez concernée particulièrement? Oui, j'avais l'impression de me découvrir, en fait. Okay. Et finalement, oui, je me suis découverte en même temps. C'est quoi le plus gros obstacle auquel il a fallu faire face dans cette situation particulière qui vous est tombée sur la tête? Parce qu'on imagine... Une douche froide. On imagine la douche froide, effectivement. Je dirais qu'il y a eu plusieurs obstacles qui existent encore un peu trop. C'est tout le côté administratif, tout le côté reconnaissance, le côté des dossiers administratifs qu'on doit faire et toute la mise en place pour la scolarité de son enfant. On se dit que la scolarité sera jamais évidente. Et puis le regard des autres. Devoir expliquer à son entourage et aux personnes qui côtoient mon enfant le fait que il est comme ça, il a son autisme, et puis mais maintenant c'est bon, hein. Tout le monde prend le pli, et puis j'ose le dire dans la rue quand il y a un regard un peu différent, parce que clairement ce n'est pas un enfant mal élevé, ce n'est pas un enfant qui fait comme il veut, c'est un enfant qui a un autisme et il faut l'accepter comme il est. Mais on imagine que ça ne doit pas toujours être facile par rapport au regard de la société. Avec un peu d'autodérision, ça marche. Vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus d'acceptation de la part des individus lambda qui sont face à l'autisme? Plus de compréhension qu'avant, d'acceptation? Je ne sais pas comment on peut définir, mais... Il y a de plus en plus de bienveillance de la part de certains. C'est un joli mot. Après, j'ai envie de dire... On ne change pas les êtres humains. S'ils n'ont pas envie d'être dans la compréhension, ils ne seront pas dans la compréhension. Mais ça, je les mets de côté. Je reste sur ceux qui sont dans la bienveillance. Je me tourne un petit peu vers Lisa, qui est avec nous autour de la table et qui est intéressée aussi par le sujet du jour. Est-ce que Lisa, tu as des questions que tu aimerais poser à notre invitée aujourd'hui, Laurine? Mais donc, vous, comment vous avez réagi avec cette information? Oui, quelle a été votre réaction? Vraiment. Par rapport à l'autisme de mon fils? Oui. À l'annonce, en fait, tu veux dire ça, oui. Alors, à l'annonce, je me suis pris une belle claque. J'ai pleuré et puis ça a duré 30 minutes. Puis après, je me suis dit qu'il fallait réagir de toute façon directement, puisque ça ne servait à rien de me lamenter. Il fallait de toute façon lui apporter le maximum. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté directement, peut-être une heure après, le centre de ressources. Mais ça a dû vous amener aussi pas mal de réponses, non? Ça a commencé à me donner des réponses. Et puis après, par la suite, j'ai fait mon propre cheminement. Mais au début, c'était surtout pour lui. Après, j'ai fait le chemin. Et alors, en termes d'accompagnement, c'est intéressant aussi de savoir si vous avez eu le sentiment d'être bien accompagné. Les professionnels sont compétents. Oui. C'est vrai. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que malgré le fait d'être passée par une professionnelle au préalable qui n'était pas du tout compétente, mais... Le centre de ressources a su lui expliquer. Après le 23 janvier 2020, j'ai eu que des personnes compétentes en face de moi qui ne m'ont pas lâchée malgré le confinement. qui ont continué à prendre de mes nouvelles et à me donner des infos, à faire les bilans, et qui ont tout fait pour qu'il puisse rentrer en UMA en septembre 2020, alors que c'était pas franchement gagné. Moi, je pensais qu'avec le confinement, ça allait s'arrêter tout net. Mm-hmm. Et en fait, si, j'ai eu beaucoup de chance, peut-être une étoile qui m'a suivie, mais clairement, il a pu rentrer en école sans problème. Donc, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance avec tous les événements de 2020 qu'on connaît. Eh oui. Et Marvin, lui, du haut de ses 8 ans, est-ce qu'il a conscience d'être un peu différent ? Alors, pour moi, je lui dis à chaque fois qu'il est extraordinaire. Il n'est pas différent, parce que ça peut être perçu négativement. Mmh. Je lui dis que c'est un petit garçon intelligent, beau, c'est le petit cadeau de la vie de sa maman, et qu'il est extraordinaire. Après, il a conscience, je pense, qu'il ne fait pas exactement les choses comme les autres, mais il le vit très bien. Parce que c'est ce que j'expliquais à une amie il n'y a pas longtemps, à partir du moment où on est comme ça, on n'a pas forcément conscience du fait qu'on n'est pas comme les autres. Mmh. Comme lui, en plus, il a été pris en charge très rapidement, il a eu tous les professionnels qui l'ont aidé, et d'ailleurs il a fait de sacrés progrès depuis son entrée à l'école. Il n'a pas cette conception de pourquoi je réagis comme ci, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi les autres ils sont comme ci, etc. Il est comme il est et tout le monde fait en sorte de l'accepter comme il est. Il est dans une école, c'est très inclusif, on pose des questions pour pouvoir mieux le comprendre, on joue avec lui, etc. Il n'est pas mis à part, donc il ne se sent pas totalement différent au mauvais sens du terme. Là où d'autres enfants qui ne sont pas diagnostiqués peuvent avoir une grande errance et se sentir vraiment différents dans le mauvais sens du terme. Et oui, pour le coup, on comprend. Et alors, revenons-en à ce livre. Il est tout récent, ce livre, il vient juste de paraître. Oui, il a été publié le 10 juin. Alors, comment on fait pour se le procurer déjà ? On passe par mon Instagram ou mon Facebook. D'accord. C'est Laurine Nouon ou Laurine37. Ça dépend comment on passe. Avec un Y, L-A-U-R-Y-N, Nouon, N-O-U-O-N. Exactement. Alors jusqu'à présent, donc il est tout récent, mais il y a des gens qui l'ont lu ce livre, évidemment. Je l'ai partagé à mon entourage, qui était plutôt L'accueil, agréablement surpris et qui m'ont fait des bons retours. Et est-ce que le fait d'avoir... ça vous a fait du bien ? C'est thérapeutique d'écrire. Oui. Ça permet de pouvoir sortir quelques petites choses qu'on a au fond de soi et... Et puis si ça peut permettre qu'une personne le lise et se dise « je ne suis pas toute seule, ah bah tiens, elle aussi, elle pense comme ça, et moi aussi, bah tiens », ça peut permettre à une maman ou à une personne qui se sent concernée de pouvoir comprendre certaines choses, bah tant mieux. D'ailleurs, au-delà de cette démarche d'édition d'un livre, vous avez participé déjà à des conférences où vous avez rencontré des familles ? J'ai participé à deux conférences, une avec des professionnels des centres pour ados, justement pour leur expliquer qu'il est important justement de ne pas s'arrêter au collège où les centres de loisirs intègrent bien les enfants avec des particularités, mais de continuer le travail pour la suite, pour préparer aussi et puis toujours ouvrir l'esprit des ados, puisque voilà, il y a de plus en plus de problèmes entre ados et donc ça serait dommage que ça s'arrête aux portes du collège. Et puis j'ai fait une autre conférence auprès de bénévoles de Handipause. C'est une plateforme de répit pour les parents d'enfants avec une particularité. Voilà, et on salue Sonia Pareux qui est toujours et encore à la recherche de bénévoles pour aider justement les aidants, parce que les aidants aussi ont besoin d'être aidés. Exactement. Et voilà, les moments de répit, c'est important. J'y ai pris part en tant que personne qui peut expliquer des particularités, mais aussi en tant que maman, parce que du coup, mon fils a pu profiter d'une pause en dipause, et moi aussi. Et du coup, je me devais de faire un petit retour pour Sonia. On a parlé de l'accompagnement, entre guillemets, institutionnel, mais au niveau familial, est-ce qu'il y a du monde autour de vous pour vous aider ? Oui, j'ai deux frères et sœurs qui sont assez proches. Après, j'ai surtout un super pilier, c'est ma maman. Elle est très très proche de mon petit garçon et de moi, et elle se renseigne beaucoup sur l'autisme, elle prend toutes les clés possibles et imaginables de la part des professionnels, dès que j'ai des infos, je lui donne. Elle est assez impliquée comme mamie et je la remercie énormément pour son implication et d'être mon pilier. De jolies paroles pour clôturer cette émission ensemble, Laurine. Bravo pour votre engagement, votre courage, parce que ça demande du courage, même si quelque part on comprend que c'est aussi un petit peu un exutoire de pouvoir coucher sur le papier les différentes émotions qui vous traversent dans cette aventure qui est d'être maman d'un enfant autiste. Votre livre est bien sûr plus qu'un témoignage, puisque c'est une voix précieuse et une fenêtre ouverte sur une réalité souvent méconnue et qu'il est important de découvrir. On rappelle que l'ouvrage est disponible, et ce qu'on va proposer aux auditeurs, Laurine, c'est d'éventuellement nous envoyer un message sur la plateforme Facebook de Radioactive s'ils souhaitent se procurer votre livre, et puis on fera suivre. Oui, ils peuvent aller sur votre site, vous me ferez suivre, et puis ils peuvent aussi aller sur le site des éditions La Cimar, qui est mon éditeur. En tout cas, on les invite à se plonger dans ce livre, que ce soit par curiosité, empathie ou envie de mieux comprendre. Merci. Merci beaucoup, Laurine. Merci à toi, Lisa. Merci. À très bientôt dans le mag sur Radioactive, et vous pourrez réécouter ce podcast justement sur notre page Facebook sur Radioactive 93 et 94.7 FM. Laurine, il y a une chanson qu'il aime particulièrement, Marvin. Une chanson qu'on écoute ensemble, c'est « Je serai là » de Terry Moïse. Ça correspond assez à ma vision de la maternité et la façon dont je vois les choses pour le lien entre mon fils et moi. Je vous remercie de m'avoir invitée, de m'avoir laissé la possibilité de parler de mon livre et de parler de l'autisme. Merci, tout simplement. C'est nous qui vous remercions. Et très beau choix de chanson avec des paroles lourdes de sens. C'est parti, Terry Moïse sur Radioactive. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Pour toi, un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. Mon seul désir sera de t'offrir